tu dis, et moi, je suis mes pas sans gauche, mes pieds, tu fauches, je crains les sorts, je cherche un vain les mots pour m'expliquer ta vie. Alors, tu mentes, ma sœur, tu brises mon cœur, je pense, tu sais, heureux, jamais j'écoute, tu pars, je ne comprends pas bien la belle dame sans regret, la belle dame sans regret. Je pleure, tu ris, je chante, tu cries, tu sèmes les graines des mauvais chênes. Mon bleu s'envole, tu en auras le bol. J'attends toujours, mes cris sont sourds. Tu mens, ma sœur. Tu brises mon cœur, je pense, tu sais, erreur, jamais j'écoute, tu pars, je ne comprends pas bien la belle dame sans regret, la belle dame sans regret. La belle dame sans regret. Je pleure, tu ris, je chante, tu cries, tu mentes, ma sœur, tu brises mon cœur. La belle dame sans regret.